chanson, c'est pour toi, pour que tu reviennes un jour te blottir dans. Il me reste de toi le souvenir des jours heureux quand j'étais amoureux, quand tu prenais ma main pour découvrir ensemble des mondes incertains, l'ivresse des matins, un peu de mon chagrin. Et puis des mots d'amour ne riment plus à rien. Mais j'aurais su garder l'espoir secret de te revoir. Cette chanson, c'est pour toi, pour que tu reviennes au pays où l'amour est roi. Si je chante encore cette chanson, c'est pour toi, pour que tu reviennes un jour te blottir dans mes bras. Il me reste de toi le souvenir de ton regard perdu dans le brouillard, l'instant de ton départ quand tu t'es retourné pour la dernière fois. Une photo ratée, un foulard oublié, quelques lettres froissées que je n'ai pas jeté. Mais j'aurais su garder l'espoir secret de te revoir. Si je chante encore cette chanson, c'est pour toi, que tu reviennes au pays où l'amour est roi. Si je chante encore cette chanson, c'est pour toi, pour que tu reviennes un jour te flottir dans.